Alhamdulillah, Rabbil Alameen. L'allonge est à Dieu, Seigneur des univers. Maladul Fuqara, refuge des pauvres. Wa Qiblatul Du'afa, et direction des faibles. Wa Amalul Bu'asa, et espoir des misérables. Wa Habibu Al-Atqiya, et bien-aimé des pieux. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. Il n'appartient à aucun être vivant de mourir qu'avec la permission de Dieu, selon un délai écrit, fixé à l'avance. Akhi, ukhti, frère, sœur, إِذَا رَأَيْتَ آلَةَ الْمَوْتِ تَقْتُلُ النَّاسَ قَتْلًا. Frère ou sœur, dans le cas où tu vois la machine de mort en train de tuer par centaines les gens, fi zilzal, lors d'un séisme, d'un tremblement de terre, fi fayadanat, gharq, lors d'inondation, de noyade, fi hariq, lors d'un incendie, fi harb, dans une guerre, il a akhiri, etc. Fala tansa bi anna alladhi yuhyi wa yumit huwa Allah. N'oublie jamais, mon frère, devant tout ce que tu vois, que l'unique qui donne la vie et qui donne la mort s'appelle Allah, s'appelle Dieu. Hadihi hiya al-aqidatul islamiyya. Telle est la croyance, la foi, la doctrine musulmane. Iyaka an tadhun anna al-makhluqat taqtul. Méfie-toi, ne crois jamais que les créatures tuent, que zilzal, comme le tremblement de terre, ou le fayadanat, ou les inondations, ou le harb, ou la guerre, il a akhiré, etc. Fa inna Allah yaqulu an jami'i al-makhluqat, parce que Dieu le Créateur dit à propos de toutes les créatures, wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Qui ne possède, ça veut dire les créatures en dehors de Dieu, qui ne possèdent aucun moyen de se faire du mal ou du bien, et qui ne peuvent causer ni mort, ni vie, ni résurrection. مصدر الحياة مصدر الموت هو الله. La source de la vie, la source de la mort est Dieu. Hayatuk biyadillahi faqat. Ta vie appartient uniquement ou se trouve uniquement entre les mains de Dieu. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité dans ce monde à part Dieu. Wa idha ra'aita alat al-maut taqtulu an-nasa qatlan. Et dans le cas où tu vois la machine de mort, la machine est en train de tuer des gens et des gens. فَإِيَّكَ أَنْ تَظُنْ أَنَّهُمْ مَاتُوا. Méfie-toi, mon frère ou ma sœur, ne pense pas, ne crois pas qu'ils sont morts. وَلَكِنْ اِعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ شَرَّفَهُمْ بِالْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ فِي الْجَنَّةِ. Mais sache, mon frère ou ma sœur, que Dieu les a honorés par la vie éternelle dans le paradis. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. Qala ta'ala, il dit lui le Très-Haut, wa la tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Ne prends surtout pas ceux qui ont été tués sur le chemin de Dieu pour des morts, mais plutôt des vivants recevant leur subsistance auprès de leur Seigneur. فَكَمْ مِنْ حَيِّنْ هُوَ مَيِّتْ. Combien y a-t-il de vivants, mais qui est mort? Il est comme un mort. وَكَمْ مِنْ مَيِّتٍ هُوَ حَيِّ. Et combien y a-t-il de morts qui est toujours vivant? وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الصَّادِقُ الْأَمِينَ. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم عمن قتلتهم آلة الموت. Il dit à propos de ceux qui ont été tués par la machine de guerre. وهم يسمون في الإسلام شهداء. Et on l'appelle en islam des shahids, des martyrs. يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته. رواه الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجة وابن حبان وأحمد بسند صحيح. Le prophète dit, le shahid, ou bien le martyr, intercède le jour de la résurrection en faveur de 70 de sa famille. Rapporté par l'imam Tirmidhi et par d'autres, avec une chaîne authentique. الشهيد لا يدخل وحده للجنة. Le martyr ou le shahid n'entrera pas seul au paradis. ولكن يدخل معه 70 من عائلته. Mais il sera plutôt accompagné de 70 de ses proches. سيدي أمير الأنبياء صلى الله عليك عدد نجوم السماء. Maître, émir des prophètes, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel. ورمال الصحراء au nombre des sables du désert. وأولاد آدم وحواء au nombre de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام. Après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى. Très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. اليوم الرابع عشر منذ بداية هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. Aujourd'hui est le 14e jour depuis l'offensive militaire israélienne sur la bande de Gaza. ألوان من العذاب تنزل على المدنيين. Des couleurs, des variétés de souffrances, de châtiments descendent, se déversent sur les civils. An-nisa, les femmes, al-atfal, les enfants, wash-shuyukh al-abriya, et les vieux et les vieillards innocents. Alatul maut, dat al-taqniya al-asriya, allati tuhattim bil mi'at wal alaf, asqatat al-mi'at minhum. La machine de mort avec la technologie moderne qui fait beaucoup de dégâts a fait tomber des centaines parmi eux. Amama Haoulil Mashhad, devant la terreur des scènes, wa idamil musrib, devant l'ampleur du malheur ou de l'épreuve, atasa'al mada yaqulu l'islam lil mu'minina fi lahadatil musrib. Je m'interroge, que dit-il l'islam aux croyants pendant les moments du malheur, les moments de l'épreuve? Wa qabla al-jawab, et avant de donner la réponse, udakkiruhuna bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul, je rappelle que le prophète, prière et salut sur lui, dit yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, l'homme est éprouvé selon le degré de sa foi, le degré de sa religion. فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اِشْتَدَّ بَلَاءُ. Dans le cas où sa religion est dure et forte, son épreuve se durcit plus encore ou deviendra plus forte. رواه الترمذي بحسن وقال حسن صحيح, rapporté par l'imam الترمذي ورواه ابن ماجة وابن حبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète prière et salut lui dit, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. Quand Dieu aime un peuple, il l'éprouve. رواه الترمذي وقال حديث حسن rapporté par l'imam At-Tirmidhi qui l'a authentifié, ou Ibn Majah ou Ahmed, et par l'imam Ibn Majah et par l'imam Ahmed. نفهم من هذين الحديثين. On comprend, mes frères et mes sœurs, à partir de ces deux hadiths, أن أهل قطاع غزة دينهم صلب. On comprend à partir de ces deux hadiths que les gens de la bande de Gaza, leur religion est forte, dure. إيمانهم قوي, leur foi est excellente. وقد أحبهم الله. Et Dieu les a aimés. فهنيئاً لأهل غزة. Félicitations donc pour les gens de Gaza. يقول الله تعالى وتبارك. Dieu le Très-Haut dit dans la réponse de notre question. يقول الله تعالى وتبارك في الجواب عن السؤال الذي طرحناه. يقول للمؤمنين المصابين. Dieu s'adresse aux croyants éprouvés. فيقول لهم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Ô vous qui avez cru, prenez aide dans la patience et dans la prière. إن الله مع الصابرين. Dieu est certainement avec les patients. مع الصابرين بالعون. Dieu se trouve avec les patients par son aide. إن الله مع الصابرين. Dieu certainement se trouve avec les patients, mais ma'ana nasiru sabirin, ça veut dire il assiste les patients. Mujibu du'a'ihim, il exauce leurs prières. Mufarriju kurubihim, il dissipe leurs malheurs. Wa ba'da ayatin aw ayat qala ta'ala, après quelques versets Dieu dit wa bashshiris sabirin, et annonce la bonne nouvelle aux patients. Al bushra al ilahiyya les sabirin, la bonne nouvelle divine pour les patients. Wa qala ta'ala fi ayatin karima, et Dieu a dit dans un autre verset coranique d'un autre chapitre fi sura ukhra, wallahu yuhibbu sabirin, et Dieu aime les patients. Al hubbu al ilahi les sabirin, l'amour divin pour les patients. Al musibatu al ibtila'u imtihanun ilahi, l'épreuve, le malheur est un test divin. وَالصَّبْرُ فِيهِ عَلَامَةٌ عَلَى النَّجَاحِ فِي الْإِمْتِحَانِ الْإِلَهِ. Et lorsqu'il y a la patience qui accompagne l'épreuve, c'est un indice, c'est un signe du succès dans le test divin. وَإِنَّا نَشْهَدُ لِأَهْلِ غَزَّةٍ. Et on témoigne tous pour les gens de Gaza, أَنَّهُمْ مِنَ الصَّابِرِينَ. Comme quoi ils sont parmi les patients. يَتَلَقَّوْنَ الْمَصَائِبَ الشَّدِيدَةَ. Ils accueillent les grands malheurs, les grandes épreuves. وَهُمْ يَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Et on les voit dire, la louange entière est à Dieu. فَهَنِيئًا لِأَهْلِ غَزَّةَ مَرَّةً أُخْرَى. Félicitations donc une autre fois pour les gens de Gaza. وَالْآنْ سنعيش مع أمثلة قرآنية تبين ابتلاءات المؤمنين وصبرهم. Maintenant, on va vivre quelques instants avec quelques exemples coraniques qui montrent les épreuves, les malheurs subis par les croyants et leur patience en parallèle. وسأعطي عمدا أمثلة على بني إسرائيل في القرآن. Et exprès, je vais donner des exemples qui parlent des enfants d'Israël. لأن المؤمن من وراء القرون, المسلم من وراء القرون ومن وراء آلاف السنين على مصائبهم. لما يقرأ ما قال الله في القرآن يتأسف ويألم لآلامهم. Parce que normalement, le croyant, en lisant ce que Dieu a dit dans ses versets coraniques à propos des malheurs des enfants d'Israël, après des siècles et après des milliers d'années, le musulman souffre pour leur souffrance. هكذا يفعل المسلم. Ainsi fait le musulman. نحن ليس بيننا وبينهم مشكل ديني. Il n'y a pas entre nous et eux un problème religieux. هناك مشكل سياسي يزول, يعني ليس بدائم ظرفي, يزول إذا زالت جذوره. Entre nous et eux, il y a un problème politique temporaire, ça veut dire qui disparaîtra une fois les racines de ce problème disparaîtront. Nahnu fil islam, nous en islam, nanzuru ilayhim fi aqidatina, nous on voit les enfants d'Israël ou les juifs dans notre doctrine, dans notre foi, bi'annahum abna'u 'ummatina, comme quoi ils sont nos cousins. نحن أبناء إسماعيل وهم أبناء إسحاق. On est les enfants d'Ismaël et ils sont les enfants d'Isaac. عليهم الصلاة والسلام جميعا. Que la prière et les salutations de Dieu soient sur les deux, Ismaël et Isaac. نحن الإسلام شرفهم وأعطاهم مكانة خاصة. L'islam les a honorés et il leur a donné un statut spécial. أهل الكتاب, les gens du livre. اليهود عندما عاشوا لما كان المسلمون قادة الدنيا كان اليهود يعيشون حياة طيبة عندنا في ربوع الإسلام. Lorsque les musulmans étaient les maîtres du monde, les juifs menaient une vie paisible dans la terre ou sur la terre musulmane. كانت لهم بيعهم, ils avaient leur synagogue. وكانوا أحرارا, ils étaient libres chez nous. لم نعذبهم لم نحرقهم, on les a pas torturés, on les a pas persécutés et on les a pas brûlés vifs. بل في الماضي البعيد وفي الحاضر القريب, plutôt dans le passé lointain ou dans le présent proche, كان في الدولة المسلمة الوزير يهودي أو الوزير الأول يهودي, il y avait dans les états musulmans le ministre qui est juif ou le premier ministre qui est juif. نحن لما كان اليهود يضطهدون في أوروبا هربوا وهاجروا إلى الأندلس الإسلامية وعاشوا حياة طيبة فيها. Lorsque l'Europe, dans le Moyen Âge européen, persécutait les Juifs, châtiait les Juifs, ils ont émigré vers nous, vers l'Andalousie. Ils ont mené une vie paisible chez nous en Andalousie. ولما أوروبا طردتهم وعذبتهم وطردتهم من الأندلس. Et lorsque l'Europe les a persécutés et les a chassés de l'Andalousie, وجدوا أيدينا مفتوحة لهم في المغرب العربي. Ils ont trouvé nos bras ouverts à eux pour les accueillir dans le grand Maghreb, en Tunisie, Maroc et Algérie, في الجزائر وتونس والمغرب. نحن لما عذبهم هتلر وقهرهم هتلر وأحرقهم هتلر وألمانيا. Nous, les musulmans, lorsque les juifs ont été persécutés, brûlés par les Allemands et à leur tête Hitler, إخواننا ضحوا, إخواننا من المغرب العربي ومن السنغال كانوا في أول الصفوف لمحاربة الألمان وسقطوا شهداء وقبورهم لازالت فوق تراب أوروبا. Lorsqu'ils étaient persécutés par Hitler ou par l'Allemagne, nos frères du Grand Maghreb et du Sénégal et de l'Afrique étaient dans les premiers rangs pour combattre les Allemands. Et ils sont tombés, ils ont laissé leur vie pour défendre l'équité et la justice. هذا هو هذه رؤية الإسلام والمسلمين لليهود. Tel est le regard de l'islam et des musulmans pour les juifs. أعطي المثال الأول. Je donne le premier exemple. سحرة مصر. Les sorciers d'Égypte. رغم سحرهم العظيم. Malgré leur grande sorcellerie. لما غلبوا أمام موسى. Lorsqu'ils furent vaincus par Moïse. Prière et salut sur lui عليه الصلاة والسلام. وعلموا أنه نبي حقيقي. Et les sorciers ont découvert, ont compris qu'il s'agissait d'un vrai prophète. وَذَلِكَ أَمَامَ فِرْعَوْنَ. Et ceci est arrivé devant Pharaon, وَأَمَامَ الشَّعْبِ, et devant le peuple. وَفِيَوْمِ الْعِيدِ. Et dans un jour de fête. قَالَ تَعَالَى. Dieu le Très-Haut dit. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Les sorciers furent contraints à se prosterner. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ils dirent, nous avons cru au Seigneur des univers, Rabbi Moussa wa Haroun, le Seigneur de Moïse et de Aaron. Hazimat al-Sahara, hiya hazimatun li Pharaon amama sha'bihi. La défaite des sorciers fut une défaite de Pharaon devant son peuple. وفرعون كان يعرف صدق السحرة. Pharaon connaissait la sincérité et la véracité des sorciers. لأنهم قالوا له قبل المقابلة, parce que les sorciers lui ont dit avant la rencontre, le début de la rencontre, لا يمكن أبدا أن يغلبنا موسى إلا إذا أعانه السماء. Jamais Moïse ne peut nous vaincre que dans le cas où il est aidé par le ciel. وخاف فرعون أن يؤمن قومه بموسى عليه السلام. Pharaon avait peur que son peuple suive Moïse, prière et salut sur lui. فاستعمل المكر والحيلة والكذب. Pharaon a utilisé la ruse et le mensonge. وحاول تغيير الحقائق. Il a essayé de changer les vérités. وإعطاء الحقيقة التي يريده. Il a essayé de donner la vérité que lui voulait. لأنه يمثل القوة الكبرى في العالم في زمانه, parce qu'il représentait la plus grande puissance dans le monde à son époque. وسيفرض حقيقته بالقوة. Et il allait imposer sa vérité à lui par la force. تقول الآية, le verset coranique dit, قال فرعون أهامنتم به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est certainement une ruse que vous avez combinée dans la ville pour en sortir ses habitants. Aussi allez-vous bientôt savoir. Ittihamain batilain. Deux fausses accusations. Awalan. Ou deux accusations nulles. Awalan. Premièrement, makr bayna sahara wa Moussa. La première accusation, un complot combiné entre les sorciers Moïse, prière et Saïd. Wa huwa ya'rif yaqinan anna sahara la ya'rifuna Moussa alayhi salam. Et Pharaon savait avec certitude que les sorciers n'ont jamais connu Moïse, prière et sagesse. Fa'in al-makru idan, où est donc le complot? Taniyan, deuxièmement, ikhraj al-misriyin min Misr. Le fait de les accuser de vouloir chasser les Égyptiens loin de l'Égypte, wa iskan bani Israël fi Misr, et le fait de vouloir faire habiter les enfants d'Israël en Égypte, ya'ni la'iba bi waraqat amn al-bilad. Ça veut dire qu'il a fait jouer la carte qui s'appelle la sécurité de l'État. وهو يعرف يقينا أن موسى عليه السلام كان يريد إخراج بني إسرائيل من مصر. Et lui, il savait avec certitude que Moïse, prière et sagesse, il cherchait à faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, وعدم البقاء فيها, et de ne pas y rester. ثم قال فرعون للسحرة التائبين. Par la suite, Pharaon a dit aux sorciers repentis, لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يعني أمر الجنود فيقطعون لكل واحد يده اليمنى ثم رجله المقابلة رجله اليسرى ثم وهكذا. لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين. Je couperai à coup sûr vos mains et vos pieds en ordre croisé. Ça veut dire la main droite avec le pied gauche. Après le pied gauche, etc. Puis je vous crucifierai certainement tous autant que vous êtes. تخيل إنسانا حيا ينظر. Imagine avec moi un homme vivant qui regarde. تقطع يده. On lui coupe sans anesthésie sa main. ثم تقطع رجله. Et après on lui coupe son pied. وهكذا. Et ainsi de suite. ثم تصلبه. Et après tu le crucifies. ودماؤه تسيل حتى الموت. Et le sang coule jusqu'à la mort. هذا هو الابتلاء. Telle est l'épreuve. فقال السحرة التائبون. قبل بداية العذاب. Les sorciers repentis ont tous dit avant le châtiment pharaonique. قبل العذاب الفرعوني. ربنا أفرغ علينا صبرا، انظروا إلى كلمة الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Seigneur, déverse sur nous des flots de patience. Faites-vous aider par la patience et la prière. Déverse sur nous des flots de patience et fais-nous mourir musulmans. Même l'ibtila, la yanfa'u illa sabr. Devant l'épreuve, il n'y a que la patience qui peut servir. Wa min ghayri sabr, sayaoudouna lil kofr, ou sayastaslimoun. Et sans patience, il y aura retour vers la mécréance ou bien ils vont capituler. Fi bidayat an-nahar kanu sahara kafirin, au début du jour, ils furent des sorciers mécréants, wa fi akhirihi saru shuhada mu'minin, mais à la fin du même jour, ils sont devenus des martyrs croyants. Al-mithal al-thani, le deuxième exemple. Khafa Fir'aun min khatari Musa alayhi salam wa qawmihi bani Israil ala masalihihi, ala masalihihi. Pharaon a eu peur du danger qui peut venir de Moïse et de son peuple contre ses propres intérêts. Lan yabqa ilaha Misr. Il ne restera plus avec Moïse, il ne restera plus le dieu d'Égypte. Fasta'mala quwwatahu al-kubra al-askariyah. Pour cela, il a utilisé toute sa puissance militaire amama sha'bin a'zal wa da'if, devant un peuple désarmé, devant un peuple faible. Attarat fihi hiqbatul ubudiyya tawila, un peuple affaibli par la longue durée de l'esclavage. Taqulu al-aya, le verset dit qala sanaqtulu, wa fi riwayat Hafs sanuqattilu, qala sanaqtulu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Il dit, nous allons massacrer leurs enfants mâles et laisser en vie leurs femmes, nous sommes au-dessus d'eux et nous les dompterons par la force. On va tuer tous leurs fils depuis la naissance. Et on va laisser en vie uniquement leurs femmes pour être à notre service. Et ainsi, les enfants d'Israël seront exterminés avec le temps. الوحيد الذي ذكر القرآن أنه ذبح الأبناء في التاريخ هو فرعون. L'unique personne que le Coran a cité comme quoi elle égorgeait, elle massacrait les enfants dans l'histoire de l'humanité était Pharaon. L'unique. رغم أن الشرائع السماوية والقوانين البشرية تحرم قتل الأطفال الأبرياء. Malgré que les lois divines et les lois humaines interdisent la tuerie des enfants innocents. وَلِهَذَا فَقَتْلُ الْأَوْلَادِ هُوَ عَمَلٌ فِرْعَوْنِ. Raison pour laquelle tuer des enfants est une œuvre pharaonique. وَخَافَ بَنُوا إِسْرَائِيلِ مِنْ قَرَارِ فِرْعَوْنِ. Les enfants d'Israël ont eu peur de la décision, de la résolution prise par Pharaon. فَإِنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَوْلَادَهُمْ قَبْلَ وِلَادَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ. Parce qu'ils tuaient leurs enfants, ils massacraient leurs enfants, ça veut dire leurs fils, même avant la naissance de Moïse, prière et salut sur lui. وَسَيَعُودُ لِنَفْسِ الشَّيْءِ الْآنِ. Et maintenant il va revenir à la même pratique d'autrefois. تَخَيَّلْ جُنُودَ فِرْعَوْنِ. Imagine avec moi les soldats de Pharaon. يَأْتُونَ, qui arrivent. وَيَقْتُلُونَ الْإِبْنِ بِكُلِّ وَحْشِيَةِ أَمَامَ أُمِّهِ وَأَبِيهِ. Qui entre dans la maison, qui tue, qui massacre l'enfant avec toute sauvagerie devant le regard de sa mère et de son père. هذا هو الابتلاء. Telle est l'épreuve. فَلَمَّا خَافَ بَنُوا إِسْرَائِيلَ تَقُولُ الْآيَةُ. Lorsque les enfants d'Israël ont eu peur, le verset dit قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا. Moïse dit à son peuple, prenez aide auprès de Dieu et patientez, supportez avec patience. Inna l'arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Certes, la terre est à Dieu. Il la donne en héritage à qui il veut de ses serviteurs et l'avenir appartient aux gens pieux. Al-ard lillah wa laysat li Pharaon. La terre appartient à Dieu et non pas à Pharaon. وَإِذَا كَانَ فِرْعَوْنُ قَوِيًّا. Et dans le cas où Pharaon est fort, فالله أقوى منه. Dieu est plus fort que lui. فاصبروا. Supporte avec patience على ظلم فرعون devant l'injustice de Pharaon. وأعطى موسى عليه السلام الأمل لقومه. Et Moïse a donné l'espoir à son peuple. النتيجة, le résultat, أغرق الله فرعون وجنوده. Le résultat, Dieu a fait noyer, a noyé Pharaon et ses soldats, ونجى موسى عليه السلام وقومه, et il a fait sauver Moïse et son peuple. تقول الآية الكريمة, le verset coranique dit, وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. أعطيناهم مشارق الأرض, هؤلاء الضعفاء, أعطيناهم نحن الله مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. Et nous fîmes hériter le peuple dont on exploitait la faiblesse des orients de la terre et de ses occidents, où nous avons placé notre bénédiction. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا بِمَا صَبَرُوا أَمَامَ الْإِبْتِلَاءَاتِ. Et ainsi s'accomplit la parole de ton Seigneur, la meilleure, sur les fils d'Israël pour ce qu'ils ont patienté. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Et nous détruisîmes ce que fabriquaient Pharaon et son peuple et ce qu'ils faisaient comme treillage. بِصَبْرِ بَنِي إِسْرَائِيلِ جَعَلَهُمُ اللَّهُ وَرَثَةَ الْأَرْضِ الْمُبَارَكَ لِعِدَّةِ قُرُونَ. Grâce à la patience des enfants d'Israël, Dieu a fait d'eux des héritiers pendant des siècles et des siècles de la terre bénie. وَانْتَهَى مُلْكُ فِرْعَوْنَ بِمِصْرِ بِسَبَبِ شَعَبٍ أَعْزَلُ وَضَعِيفٍ. Et le règne de Pharaon en Égypte a pris fin à cause d'un peuple désarmé et faible. وَبِسَبَبِ الظُّلْمِ الْفِرْعَوْنِ الْكَبِيرِ. Et à cause de la grande injustice pharaonique. وَأَتَى نَصْرُ اللَّهِ الْمَوْعُودِ. Et la victoire promise de Dieu est arrivée. نَصْرُ اللَّهِ يَأْتِي قَطْعًا. La victoire de Dieu arrivera certainement. وَلَكِنْ لَيْسَ بَعْدَ سَاعَةٍ. Mais pas après une heure. لَيْسَ بَعْدَ يَوْمٍ. Non pas après un jour. أو أسبوع. Ou une semaine. أو سنة. أو une année. يأتي نصر الله للمؤمنين الصابرين. La victoire de Dieu, le soulagement de Dieu arrive vers les croyants patients. حينما يريد الله. Quand Dieu décide. وقد يأتي بعد عشرات السنين. Ça peut venir après des dizaines d'années. أو بعد عدة قرون. Ou après plusieurs siècles. ليكتمل الابتلاء كليا. Afin que l'épreuve soit totalement accomplie. المثال الثالث والأخير. Le troisième et dernier exemple. في اليمن. Au Yémen. قبل الإسلام. Avant l'islam. كان هناك ملك مشرك. Il y avait un roi associateur. ومن بين أفراد شعبه هناك من تنصر. Parmi les membres de son peuple, il y en a ceux qui ont embrassé le christianisme. وترك عبادة الملك, et ont abandonné l'adoration du roi. فأمر الملك جنوده بحفر أخدود. Le roi, ce pharaon, a demandé à ses soldats de creuser une fosse. وإضرام النيران, et d'allumer les feux. ورمي النصارى فيه, et de jeter les chrétiens dedans. تخيل رجلا. Imagine avec moi un homme, يرمي نفسه في النار وهو حي, qui se jette dans le feu et il est vivant. ويرى لهيب النار, et il regarde les flammes du feu. ويصبر حتى الموت, et il supporte avec patience jusqu'à la mort. ولا يغير دينه, et il ne renie pas sa foi. ولا يشرك بالله, et il n'associe rien à Allah. ووصل دور امرأة مع عصبي, et le tour d'une femme accompagnée d'un bébé arriva. فتقاعست أن تقع فيه. Elle a hésité d'y tomber ou de s'y jeter. فَقَالَ لَهَا الصَّبِي. Et le bébé lui dit, يَا أُمَّهُ. Oh chère mère, اصبري. Supporte avec patience. فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ. C'est toi qui as raison. وَمَا هِيَ إِلَّا رُمَيْضًا. Et il s'agit d'un clin d'œil. فَصَبَرَتْ. Elle a supporté avec patience. وَاقْتَحَمَتْ. Et elle s'est jeté. رواه الإمام مسلم, rapporté par l'imam مسلم. وكان عدد النصارى الذين ماتوا 20,000. Le nombre des chrétiens morts brûlés vifs était égal à 20,000. وفي الحقيقة كان الرجل يرمي نفسه في النار. En réalité, l'homme se jetait dans le feu. فيجد نفسه حيا في الجنة حياة أبدية. Il se retrouvait vivant une vie éternelle dans le paradis. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ceux qui ont tourmenté les croyants et les croyantes pour leur faire renier leur foi et qui ne se sont pas repentis par la suite, ceux-là auront les tourments de l'enfer et ceux-là subiront le supplice du feu. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les rivières, c'est là le grand succès. نفهم من هذه الأمثلة القرآنية. On comprend, mes frères et mes sœurs, à partir de ces trois exemples coraniques, أَنَّ الْمُؤْمِنِ فِي وَقْتِ الْإِبْتِلَاءِ الشَّدِيدِ, que le croyant, pendant la grande épreuve par laquelle il passe, عَلَيْهِ أَنْ يَتَسَلَّحَ بِالصَّبْرِ الْكَبِيرِ, il doit s'armer par une grande patience, وَيَسْتَعِينُ بِالدُّعَاءِ الصَّبْرُ وَالصَّلَاةِ, et il se fait aider par les invocations de Dieu, patience et prière, وَأَنْ تَكُونَ لَهُ الثِّقَ الْكَامِلَةِ وَالْيَقِينَ الشَّامِلِ, et il doit avoir la confiance complète et la certitude entière en deux choses de la part de Dieu, soit un martyr et un paradis, avec une vie éternelle, ou bien un soulagement et une victoire avec une vie noble. Et le musulman pendant l'épreuve, grande, l'ibtila al-kabir, an la yansa Allah. Il ne doit pas oublier Dieu. Fallah ma'a, Dieu est avec lui. Allahu ma'a sabirin, Dieu certainement est avec les patients. Wa an la yaqnata min rahmatillah, il ne doit pas désespérer en la clémence de Dieu. Qala Ibrahim alayhi salam, Abraham prière et sur lui dit, dans un verset coranique, fi aya karima, wa man yaqnatu min rahmati rabbihi. Et qui donc désespère de la miséricorde de son Seigneur, si ce n'est les égarés. Wa fil akhir, usikum wa nafsi bi taqwallah, à la fin, je recommande à vous et à moi-même la piété de Dieu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci serviteur de Dieu, قال الله تعالى, Dieu le très haut dit, إنما المؤمنون إخوة, les croyants ne sont que des frères. أخي أختي, frères, sœurs. هذا يعني, cela signifie, أن لك فوق الأرض الآن مليار ونصف, فوق كل الأرض, comme quoi aujourd'hui sur le globe, tout le globe terrestre, tu as comme frère et sœur 1,5 milliard. أخوة الإسلام تقتضي التضامن الكبير, la fraternité en islam nécessite la grande solidarité. إذا وجد إخوة لك في دولة ما في بلاء شديد, dans le cas où quelques frères et sœurs se trouvent dans un pays, des frères et sœurs à toi qui se trouvent dans un quelconque pays, dans une grande épreuve, فَبْتِلَاؤُهُمْ إِبْتِلَاؤُنْ لَكَ كَدَلِكَ, leur épreuve est aussi une épreuve pour toi. اللَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ هَلْ سَيَصْبِرُونَ, Dieu les teste, vont-ils supporter avec patience, وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ يَخْتَبِرُكَ هَلْ سَتُعِينُهُمْ أَمْ لَا, mais en même temps, ils te testent, est-ce que tu vas les aider ou pas. Al-Asl, إِذَا نَادَوْ يَا أَخِي يَا أُخْتِي, en principe, lorsqu'il appelle aux frères, aux sœurs, تَقُولُ بِسُرْعَة, tu dois répondre rapidement, لَبَّيْكُمْ لَبَّيْكُمْ يَا إِخْوَتِي, me voici, oui, me voici répondre à votre appel, mes frères et mes sœurs. لَا يُمْكِنْ أَنْ تَأْكُلْ وَهُمْ جِيَاعٌ مِنْ غَيْرِ مُسَاعَدَتِهِمْ, tu ne peux pas manger et eux affamés sans les aider. لَا يُمْكِنْ أَنْ تَلْبَسْ وَهُمْ عُرَاتٌ مِنْ غَيْرِ مُسَاعَدَتِهِمْ, tu ne peux pas t'habiller s'ils sont déshabillés ou s'ils sont nus sans les aider. أَلَامُهُمْ تَضُرُّكْ, leurs souffrances te font mal. وَمَصَائِبُهُمْ تُبْكِيكْ, et leurs malheurs te font pleurer. وَتُحِسْ بِأَنَّ اللَّهَ مَعَكْ, et tu ressens que Dieu est avec toi, yara qu'il te voit, wa yara tasarrufatik lamma takun wahdak, et il voit tes comportements lorsque tu es seul. Ikhwatuna al-falastiniyun biqita'i Gaza عاشوا منذ اسبوعين. Nos frères palestiniens dans la bande de Gaza ont vécu depuis deux semaines أصعب الأوقات, des moments très difficiles. تحت وابل من مطر القنابل والقذائف, sous une pluie de bombes et de bombardements, ليلا ونهارا, jour et nuit, ولا ملجأ لهم في سجن غزة, et ils n'ont aucun refuge dans la grande prison de Gaza qui fait 360 km. سجن غزة الذي في مساحة 360 km. وهم مليون ونصف مسلم صابر, et ils sont au nombre d'un million et demi de musulmans patients. زلزلت الأرض من تحت أقدامهم, le sol a tremblé en dessous de leurs pieds. وسقطت الحيطان فوقهم, les murs sont tombés sur leur tête. وقطعت أجسادهم, et leurs corps ont été déchiquetés. ما يقارب 4000 ضحية, il y avait à peu près 4000 victimes. من بينهم ما يقارب 800 ميت, et parmi ces victimes il y a à peu près 800 morts. ثلثهم من الأطفال والنساء, leur tiers est fait des hommes, des enfants et des femmes. 260 تقريبا, 260 à peu près. والباقي من المدنيين, et le reste des civils. والمؤسف, ce qui est regrettable. هناك دول عربية منعت حتى المظاهرات. Il y a certains pays qui ont interdit à leur peuple musulman même le fait de manifester. ورغم الصور المؤلمة, et malgré les images douloureuses, وطيلة أسبوعين, et pendant deux semaines, لم ينعقد لا مؤتمر عربي ولا مؤتمر إسلامي, il n'y a eu aucun sommet ni arabe ni musulman. الذين تحركوا هم غير العرب, ceux qui ont bougé sont les non-arabes, الأتراك, les Turcs, والأوروبيون, et les Européens, وعلى رأسهم فرنسا, et à leur tête la France. والعرب ساكتون لأنهم منقسمون, et les Arabes ont gardé le silence parce qu'ils sont divisés. المؤسف, ce qui est regrettable. الدماء تتفجر, les sons explosés. والدموع تسيل, les larmes coulaient. والصراخات تهتز, et les cris se levaient. بقطاع غزة, dans la bande de Gaza. أينكم يا عرب, où êtes-vous ô Arabes. ثم ترى وتستمع للقنوات الفضائية والإذاعات, et après ces cris tu regardes les chaînes paraboliques des Arabes et les radios. فتجد الغناء, et tu trouves les chansons. وتجد المسرحيات, et tu trouves les comédies. والضحك, et le rire. ناس تموت, des gens en train de mourir. وإخوانهم يستمعون للغناء ويعيشون في اللهو, et leurs frères dans le monde sont en train d'écouter de la musique et de vivre dans la distraction. الأصل أن يقرأ القرآن على أرواح الشهداء في كل الإذاعات والتلفزات مدة هذه الحرب. Normalement, en principe, on doit réciter le Coran pour les esprits ou pour les âmes des martyrs, par solidarité avec les frères et les sœurs de Gaza en Palestine, pendant toute la période de l'offensive, dans toutes les télés et les radios. هل تغني لما يموت أحد من عائلتك, chantes-tu lorsque un membre de ta famille décède. وهؤلاء عائلتك, et ceux-là sont ta famille. مصيبتنا في ذنوبنا نحن, notre malheur se trouve dans nos propres péchés. وليست مصيبتنا في الدول الأخرى. Notre malheur ne se trouve pas dans les autres pays. لماذا الدول لم تفعل, pourquoi les pays n'ont rien fait, إلى آخره. مصيبتنا في ذنوبنا نحن لا في غيرنا. Notre malheur réside dans nos propres péchés et non pas dans les autres. فينا الكذب, il y a en nous le mensonge. فينا الغطر, il y a en nous la trahison. فينا الغش, il y a en nous la tromperie. فينا الكسل, il y a en nous la paresse. فينا الحسد, il y a en nous la jalousie. فينا الكراهية, il y a en nous la détestation. فينا الكبر, il y a en nous l'orgueil. فينا الزنا, il y a en nous l'adultère, la fornication. فينا المخدرات, il y a en nous les drogues. فينا الحرام والمعاصي, il y a en nous l'interdit, la désobéissance. فينا حب الدنيا الكبير ونسيان الموت, il y a en nous le grand amour ou l'amour excessif de la vie ici-bas et l'oubli de la mort. وكأن رحمة الله وفرجه يريدان أن ينزلان إلى الأرض. Et comme si le soulagement de Dieu, la clémence de Dieu voulait descendre vers la terre. فيجدان ذنوب الأمة المسلمة. Ils rencontraient les péchés nombreux de la nation d'Islam. فتعود الرحمة والفرج إلى السماء. Et le soulagement et la clémence de Dieu reviennent vers le ciel. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Dieu ne change l'état d'un peuple que s'il change ce qu'il y a en eux-mêmes. هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ. Telle est la règle ou la loi de Dieu. وَلِهَذَا التَّغْيِيرِ يَحْتَاجِ إِلَى سِنِينَ. Raison pour laquelle le changement a besoin de plusieurs années. Ou عشرات سنين, ou plusieurs dizaines d'années, ou عدة قرون, ou même plusieurs siècles. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, أثير الانتباه, j'attire l'attention, أنه لا يجوز استيراد الحرب والعنف إلى فرنسا. Il n'est pas permis d'importer la guerre ou la violence en France. فنحن لسنا بغزة. On n'est pas à Gaza, ولكننا بفرنسا. Mais on est en France. ومن يفعل هذا فهو يسيء إلى الإسلام أكثر من أن يخدم مصالح الإسلام. Et celui qui fait cela, il est en train de faire du mal, de nuire aux intérêts de l'Islam et des musulmans au lieu de faire du bien. وفي الأخير, يا لا فين, ساعدوا إخوانكم بثلاث أشياء. Aidez vos frères avec trois choses. أولا, premièrement, الدعاء الخالص, l'invocation, la prière sincère. لما تكون وحدكم, lorsque vous êtes seul, أسيلوا دموعكم. Laissez couler vos larmes. تكلموا مع من بيده مقاليد الأمور. Parlez avec celui qui a entre ses mains la décision de tout ce qui se passe dans ce bas monde. ثانيا, deuxièmement, المساعدة المالية, la participation financière. أشكركم أنكم في الأسبوع الماضي أعطيتم 13,000 أورو في هذا المسجد. Je vous remercie tous parce que dans la semaine dernière vous avez donné 13,000 euros. Mais ce n'est pas suffisant. ولكن هذا الشيء لا غير كافي. فمن ساعد عائلة الشهيد, celui qui aide la famille d'un martyr, ربما أعطاه الله أجر الشهيد. Peut-être Dieu va lui donner le salaire immense d'un martyr. ثالثا, هم أعطوا حياتهم, أعطوا دورهم, أعطوا أولادهم, أعطوا كل شيء. وأنت لا تستطيع أن تعطي 10 أو 20 أو 50 أورو. لم يمتحنك الله بما امتحنهم. Ils ont laissé, ils ont donné leur patrie, ou bien pardon, leur maison, leur personne, leurs enfants, leur mari, etc. Et leurs biens. Et toi, tu es incapable de leur donner 10 euros, ou 20 ou 50. Attention, il s'agit d'un test pour toi et pour moi de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. الشيء الثالث والأخير, la troisième et dernière chose, المشاركة في المظاهرات السلمية من غير عنف, la participation dans des manifestations pacifiques sans violence. مظاهرات بسكوت, سكوت يعبر عن غضب, des participations en silence, un silence qui exprime la grande colère. وغدا في باريس, في قاعة في ساحة لا ريبوبليك, هناك مظاهرة لصالح فلسطين على الساعة الثالثة بعد المساء. Et demain à Paris, place de la République, il y aura une manifestation à 15h. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, يا الله, يا من لا إله إلا أنت, يا علي, يا أعلى, يا رحمن, يا رحيم, يا غفور, يا جواد, يا كريم, يا جبار, يا جابر المكسورين والمستضعفين. يا رب, إننا نتوجه إليك الآن في يوم الجمعة بعد أسبوعين من الدمار. يا رب إنهم إخوتنا، يا رب ارحمهم، يا رب ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. يا رب إننا نعلم بأنك أنت ملك الملوك، إننا نعلم بأن المقادير بيديك. يا رب إننا نعلم بأن كل ما تصنعه عن علم وحكمة، فأنت العليم الحكيم. ولكن يا رب نسألك أن تغلب رحمتك على حكمتك. يا رب ارحم إخوتنا في فلسطين، يا رب إن كنا مذنبين، إن كنا لا نستحق رحمتك، يا رب ارحم إخوتنا في فلسطين لوجه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب كفانا ما رأينا من المشاهد، تقطعت قلوبنا يا رب، وإنه لا ناصر سواك يا معين. أعنهم اللهم، أزل كربتهم وأزل محنتهم ورد لهم الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم اجعلهم يعيشون برغد العيش كباقي الشعوب، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا عجائب قدرتك في رد السلام إليهم. يا سلام يا من سمى نفسه بالسلام، أنزل على شعب فلسطين السلام. يا رب هذا جهدنا، هذا مستطاعنا، ندعوك كما أمرتنا، وننتظر جوابك يا كريم كما وعدتنا. اللهم نسألك أن توقف الحرب في هذا اليوم، اللهم نسألك أن توقف العدوان في هذا اليوم، إنك على كل شيء قدير. وسلم وبارك وصلي على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.